On trouve un matin un homme à moitié mort dans une ruelle de Turin. Il tient encore un poignard à la main et il a perdu une grande partie de son sang par la plaie béante qu'il porte au ventre. Quand l'homme sort de son coma, au bout de 2 jours, l'histoire qu'il raconte est bien étonnante et inquiétante. Le poste de police du quartier du Palais-Royal à Turin reçoit ce matin-là un coup de téléphone. Un tenancier de café appelle pour demander de l'aide. En sortant les poubelles, j'ai découvert un homme à moitié mort dans la ruelle de derrière. Il baignait dans son sang. Je lui ai mis une couverture sur le corps et un coussin sous la tête. Ma fille est à côté de lui, mais nous n'avons pas voulu le bouger, il a l'air si mal en point. Il a perdu beaucoup de sang. Il y en a partout sur le pavé. Et puis, le cafetier hésite une fraction de seconde. Et puis, il a un poignard serré dans sa main droite. Ça a l'air d'une bagarre ou quelque chose comme ça. En tout cas, il respire encore, mais il faut faire vite. L'ambulance arrive, toute sirène hurlante, et les carabiniers aussi. L'homme qui gît sur le sol porte des papiers au nom de Tibaldo Perigioni. Mais il est incapable de dire quoi que ce soit. On le transporte à l'hôpital. Le sergent des carabiniers, Malfieri, s'occupe du dossier, en apprend un peu plus. C'est un antiquaire et prêteur à gages de la Via Garibaldi. On dit qu'il est même usurier. Et d'ailleurs, ceux qui ont recours à lui doivent bien se méfier, car il est sans pitié pour ceux qui ne peuvent pas payer. Le sergent examine le rapport du médecin. D'après l'hôpital, il pourrait s'agir d'un suicide. Le poignard qu'il tenait encore à la main semble bien être l'arme qui a provoqué la blessure. D'ailleurs, il était encore tout couvert de son sang. Se suicider comme ça au poignard en pleine rue, quelle idée curieuse! À l'hôpital, quand le prêteur à gages retrouve ses esprits, il n'a qu'une question aux lèvres. Où est Montalfiore? Où est Montalfiore? Empêchez-le d'entrer ici, il veut me tuer! Le sergent Malfieri, qui est venu rendre visite à Perignoni, demande: mais qui est ce Montalfiore? Perignoni répond d'une voix éteinte: mais c'est lui qui a essayé de me tuer! C'est un de mes anciens clients. Il est revenu pour avoir ma peau. Il dit que c'est moi qui l'ai poussé au suicide. Non, écoutez, calmez-vous un peu. Je ne comprends pas grand-chose à votre histoire. Ce dénommé Montalfiore vous en veut. Bon, je suppose que vous lui avez prêté de l'argent. Oui, oui, il y a 2 ans. Et il n'a pas pu vous le rendre, n'est-ce pas? Je ne vous demanderai pas à quel taux vous lui aviez prêté. Oui, oui, c'est cela. Il n'a pas pu me le rendre. Il vous avait donné des garanties, sans doute? Oui, bien sûr. J'avais une hypothèque sur son appartement. Il s'agissait d'une grosse somme, quelques millions de lire. Et ensuite? Eh bien ensuite, il a commencé à prendre du retard dans le paiement des intérêts, puis il a cessé tout paiement. Et je l'avais prévenu. Mais il n'a rien voulu savoir. Alors il s'est pendu. Répétez-moi ça. Il s'est pendu. Et quand ça? Ben, il y a 6 mois. Excusez-moi, mais s'il s'est pendu il y a 6 mois, comment a-t-il pu vous poignarder hier soir? Ou bien, il s'est mal pendu, peut-être? Non, non! Non, non, il s'est bel et bien pendu, on l'a décroché, on l'a enterré. J'ai récupéré l'appartement, 150 mètres carrés, au second étage du palais Nazarini, Via Colleone, c'était normal, c'était dans nos accords. Écoutez, je pense que vous êtes un peu fiévreux. Je ne comprends rien du tout à votre histoire. Enfin, comment ce dénommé Montalfiore, pendu, mort, enterré depuis 6 mois, a-t-il pu vous poignarder hier soir, voyons? D'abord, il n'a pas essayé de me poignarder. Il a voulu m'étrangler, ce n'est pas la même chose. Bon, écoutez, je vous laisse. Je reviendrai demain, monsieur Perignoni, et nous reprendrons tout à zéro. J'y verrai peut-être plus clair. Le sergent Malfieri fait vérifier les faits nouveaux. Effectivement, Tibaldo Perignoni est bien le nouveau propriétaire d'un appartement situé au second étage du palais Nazarini, Via Colleone. L'ancien propriétaire, Guillermo Montalfiore, s'est pendu 6 mois plus tôt. Le concierge précise d'ailleurs, Il paraît qu'il devait énormément d'argent à Perignon, l'usurier. D'ailleurs, il menaçait souvent de passer aux actes si l'usurier ne lui accordait pas de nouveaux délais. Et je me souviens que le matin même du jour où il s'est pendu, il a dit une phrase bizarre. Il a dit « Je vais aller voir là-haut ce qui se passe, mais je reviendrai pour me venger de ce salaud de Perignon. » Et quand il a dit « Je vais aller voir là-haut », j'ai cru qu'il allait jeter un coup d'œil dans les combles pour voir s'il n'y avait pas quelques objets ou tableaux de valeur dont il aurait pu tirer quelque argent. Mais là-haut, pour lui, ça voulait dire au ciel, enfin, ou en enfer. Donc la chose est certaine, Montalfiore détestait Perignoni, mais Montalfiore est mort. Le sergent Malfieri revient voir Perignoni sur son lit de douleur. Alors, reprenons les choses calmement. Racontez-moi un peu votre soirée de vendredi. Un vendredi 13, d'ailleurs. Ça ne vous a pas porté chance. Je suis allé dîner chez Luigi Comparini. C'est là que je prends tous mes repas du soir. Je suis célibataire et je ferme ma boutique assez tard. Puis, j'ai décidé d'aller prendre un verre de grappa au café Florian. Je suis entré. Je me suis assis à ma table habituelle, au fond. En général, c'est le moment où je refais mes comptes de la journée. L'éclairage est bon pour prendre mes notes et taper sur ma calculette. Ce soir-là, Perignoni est devenu très pâle. Il revit une scène qui lui donne encore des sueurs froides. Ce soir-là, j'étais en train de refaire mes comptes. Je songeais à un client qui était venu me solliciter. J'ai levé les yeux au-dessus de mon petit carnet noir et tout à coup je l'ai vu, assis sur la banquette en face de moi. J'ai cru que j'avais une hallucination, mais non, c'était bien lui, Guillermo Montalfiore, avec son feutre gris, son manteau de poil de chameau, cette écharpe de soie à pois beige qui ne le quittait jamais hiver comme été. Les derniers restes de sa splendeur ancienne. Il était là. Et son regard me fixait avec une lueur de haine, comme je n'en ai jamais vu auparavant. Pourtant, monsieur Perignoni, dans votre métier, vous avez dû en voir des regards peu aimables. Quand j'ai vu ses yeux, j'ai attrapé le Corriere della Sera qui traînait sur la table d'à côté, et je l'ai déplié devant moi pour faire un écran entre Montalfiore et moi, entre le fantôme de Guillermo Montalfiore et moi, devrais-je dire. J'étais incapable de lire, mais de temps en temps, je baissais le journal et à chaque fois, Montalfiore était toujours là, immobile, me fixant de ses yeux horribles. Il me semblait y voir des lueurs rouges, comme les flammes de l'enfer. Ce qui me semblait bizarre, c'est qu'il était là depuis un long moment et que Raimondo, le garçon, n'était pas encore venu lui demander ce qu'il désirait. Quand Raimondo est passé tout près de moi, je lui ai chuchoté « Connaissez-vous l'homme qui est assis en face ? » ?»« Quel homme, monsieur Perignoni ? Il n'y a personne. » Effectivement, la banquette était à nouveau vide. « Mais il y avait quelqu'un tout à l'heure. Ça fait une demi-heure qu'il est là, me regardez. C'est un nommé Montalfiore, un de mes clients. Il vient de... J'allais lui dire, il vient de se pendre. Mais j'ai réalisé que Raimondo me prendrait pour un fou. » D'ailleurs, Raimondo me regardait d'un drôle d'air en déclarant « Cette banquette est restée vide toute la soirée. Ça doit être le portrait du roi Vittorio Emmanuel qui décourage les clients. » Le sergent Malfieri dit « Et ensuite, que s'est-il passé ?» Eh bien, j'ai pris un peu de temps pour retrouver mon calme. J'ai rangé mon carnet de comptes et ma calculette, j'ai bu un second verre de grappa et je suis sorti. La grappa, c'est fort. Vous êtes certain que vous aviez toute votre lucidité en sortant ? Moi, j'ai l'habitude. J'ai fait la guerre, j'en ai vu d'autres. Quand je suis sorti, il y avait une brume épaisse qui envahissait les rues. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Si, si, effectivement. Ça fait bien 10 jours que ça dure. Mais à présent, le temps est moins humide. Perignoni poursuit. J'ai pris la Via Emanuelli et j'ai traversé le Corso dei Frati Neri. J'étais presque arrivé chez moi. J'habite au Cortile Santa Lucia, au numéro 7, rez-de-chaussée. Et soudain, j'entends un bruit de pas dans la rue, comme des souliers ferrés. Une démarche d'homme irrégulière. La démarche d'un homme qui boite. Je ne vous ai pas dit que Guillermo Montalfiore a été blessé lors de la dernière guerre. Il a une jambe plus courte que l'autre. En entendant ce bruit de pas, je me retourne. Avec le brouillard, je ne vois personne derrière moi. J'ai alors saisi mon poignard espagnol. Ah, parce que vous vous promenez avec un poignard espagnol? Oui, une Navarra du XVIIIe siècle. Un objet de Tolède superbe, en acier damasquiné. Je porte toujours cette Navarra, car il m'arrive assez souvent de transporter du liquide, et les rues ne sont pas trop sûres. Vous savez que les chèques et les comptes bancaires permettent d'éviter bien des risques. Enfin bref, vous saisissez votre Navarra? Oui, et je l'ouvre. Je la tenais fermement de ma main droite. Soudain, le bruit de pas qui me suivait dans la ruelle s'interrompt. Je m'arrête. Et voilà que quelqu'un me barre la route de l'autre côté, juste en face de moi. C'était Guillermo Montalfiore, j'en suis absolument certain. Celui qui est mort et enterré. Mort, enterré, peu importe, c'était lui, j'en suis certain. Et il hurle, usurier du diable, tu vas payer tout le mal que tu m'as fait. Et en disant cela, il m'a saisi à la gorge. J'ai reconnu l'étreinte de ses grosses mains velues. Il me serrait à me briser les os. J'étouffais. Alors j'ai réussi à me dégager et je lui crie « Non, Montalfiore, vous êtes mort, vous ne pouvez rien contre moi !» Mais Montalfiore me saisit à nouveau la gorge. Je ne peux plus respirer, je sens son corps de colosse qui m'écrase. Alors je l'ai frappé dans le dos avec ma Navarra. Une fois, deux fois, trois fois. J'ai senti une douleur atroce dans mon ventre et j'ai perdu connaissance. Le sergent Malfieri dit « En effet, vous vous êtes donné trois coups de Navarra dans l'abdomen. Croyez-vous que votre poignard ait pu traverser le fantôme de Guillermo Montalfiore avant de vous frapper ?